demain sera notre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie nous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain? C'est la terre promise, demain c'est le paradis. Demain un verre s'éternise, demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise, demain c'est le paradis. Demain un verre s'éternise, demain décourage aujourd'hui. Demain c'est la terre promise, demain c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. J'arrête, c'est promis. Demain, demain, toujours demain. Demain, c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain, c'est si, demain, c'est là.